Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les lendemains d'Hiroshima se rappellent à nous. L'énorme champignon de poussière et de fumée d'Hiroshima est devenu le symbole par excellence de la cruauté nucléaire et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'épisode inaugural de la guerre froide qui allait régir les soubresauts du monde pendant plus de 40 ans, une représentation entêtante de la menace de destruction mutuelle entre les blocs américains et soviétiques. Le Monde relaie une enquête sur ce sujet menée par le journaliste Amin Essif de la Deutsche Welle, la radio-télévision allemande. Cette image de champignon nucléaire qui nous hante, dont les droits sont détenus par la banque d'images Getty, serait celle de Nagasaki, employée aussi bien pour évoquer le bombardement d'Hiroshima que celui de Nagasaki qui a eu lieu 3 jours plus tard, le 9 août 1945. Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes. Les images prises par l'armée américaine de la première explosion, celle d'Hiroshima, étant de mauvaise qualité, on les voit effectivement tremblotantes dans un article du Monde. On leur a préféré celle de Nagasaki à la production plus maîtrisée. Mais ça n'est pas tout. En poursuivant son enquête, Amin Essif découvre que la BBC et d'autres chaînes internationales ont utilisé les images d'une explosion effectuée 11 ans plus tard lors d'un test américain de bombes à hydrogène plus puissantes et donc aux champignons plus spectaculaires. Cette confusion organisée et répétée a contribué à une propagande américaine qui ne s'encombrait pas de la véracité de ses contenus dans une guerre à mort avec l'Union soviétique. Et alors, le scoop n'a pas l'air si bouleversant, après tout un gros boom ou un autre pour évoquer le premier bombardement nucléaire, qu'est-ce que ça change? 2 explosions au bilan atroce, le détail et la précision pourraient sembler superflus. C'est justement que tout est affaire de détails dans les lendemains d'Hiroshima qui reprennent leur part dans l'actualité. 7 ans plus tard, la commission d'études sur les effets des radiations atomiques étudiait encore l'incidence à long terme des radiations sur le corps humain. Quels étaient exactement les effets de cette bombe qui laissait des traces indélébiles sur tout ce qu'elle avait touché ? Les victimes survivantes d'Hiroshima et de Nagasaki, les Hibakusha, aujourd'hui largement octogénaires, se sont fait entendre lors de la commémoration du 75e anniversaire des bombardements. Les Hibakusha militent pour la transmission minutieuse de leur histoire, aujourd'hui contestée, pour contrer les thèses révisionnistes en cours au Japon qui tentent d'effacer les massacres de Nankin et les motifs de la guerre livrée par l'armée nippone dans le Pacifique à partir de 1941. Certaines publications ont récemment été jugées indésirables, notamment un manga intitulé « Jean d'Hiroshima », un récit autobiographique dessiné par un Hibakusha lui-même. La Croix relate également le refus d'une exposition de photographies sur Hiroshima dans le sud du Japon, à Sasebo, au motif qu'il n'était pas dans le rôle de la municipalité de prendre parti dans les débats historiques en cours. Les Hibakusha et leurs descendants appellent aujourd'hui à une politique de mémoire plus active concernant l'histoire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, alors que plus d'une dizaine de milliers de bombes atomiques sont aujourd'hui disponibles à travers le monde. Effectivement, merci beaucoup Anaïs Quien d'avoir fait le clair sur cette confusion organisée. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr.